on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Many seeds. hearts to soul. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. On a démarré avec un morceau bien connu de Supertramp, Even in the Quietest Moments, c'est l'album. Un morceau intitulé Fool's Overture, un album de 77, et qui, à mon avis, illustre bien l'actualité de notre chère vieille Europe. Voilà, donc l'ouverture du fou. J'en dis pas plus, vous avez deviné tout de suite où vont mes larmes. Autre larme également, lorsque nous avons tous appris le décès du batteur de Rush, groupe canadien très populaire outre-Atlantique, un peu moins par chez nous, peut-être parce qu'ils n'ont pas joué très très souvent. Pour en avoir discuté avec l'ami Michel, Rush n'aurait joué qu'à Paris. Donc votre humble serviteur ne les a jamais vus en concert. Donc il n'empêche que c'est un grand groupe, un grand trio. Et je voulais donc rendre hommage à Neil Peart avec donc extrait de 4 albums, oui c'est ça, 4 albums de Rush. On démarre de façon chronologique avec un album de 77, et oui, on est toujours la même année que l'album de Supertramp, avec un album superbe intitulé A Farewell to Kings. Et cette fois-ci, n'y voyez aucune allusion au Brexit, encore que... Rush, extrait de Farewell to Kings de 77, et vous avez reconnu Xanadu. On passe à l'année suivante, 1978, avec une autre petite pépite, Hemispheres. Les Hemispheres, tout de suite, Roche. Et hop, on bondit de 78, on va à 84 avec ce Grace Under Pressure, toujours de Rush. Of the plain, there's no swimming in the heavy water, no singing in the acid rain. Red alert, red alert. It's so hard to stay together, passing through revolving doors. We need someone to talk to and someone to sweep the floors. My shoulders. On termine la séquence Rush avec un de mes albums préférés, même s'il n'est pas purement progressif, il est pour moi fort abouti. Je veux parler de Hold Your Fire. Hold Your Fire, il est de 87 et vous allez voir, c'est un pur joyau. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Dunker ! Sol, 100.7. Voilà cet hommage à Neil Peart. Merci l'ami. Et ciao. Il nous est passé entre les oreilles, je veux dire, ce Barclay James Harvest live avec orchestre. C'est incroyable comment ça a pu échapper à notre attention, notamment les amateurs de ce mélange de rock progressif et d'orchestre symphonique. Bon, tout le monde a en mémoire Procol Harum, tout le monde a en mémoire les Moody Blues, tout le monde a en mémoire Caravan, Renaissance, plus récemment Marillion, mais... J'avoue que je ne savais pas que Barclay James Harvest avait sorti un live en 72, donc ils étaient encore très jeunes, avec un orchestre. Et vous allez voir, ça dépote pas mal. J'en connais un qui va se régaler, n'est-ce pas Michel ? Tout de suite, Barclay James Harvest, BBC in Concert 1972. Good evening, my name is Alan Black and I'd like to welcome you to the Paris Theatre in London. In fact, to welcome you to the Barclay James Harvest Concert. Barclay James have brought along some friends tonight, namely the ladies and gentlemen of the Barclay James Harvest Orchestra. The orchestra is led by Richard Stutt, conducted by Martin Ford, Barclay James Harvest. There's a mockingbird singing songs singing just for me. Well, you don't need me to tell you that was Mockingbird, a song written collectively by the four members of Barclay James Harvest, and this appeared first of all on the Once Again album. Such a great song, I think it will always haunt them. But I've rarely heard it better performed. I think that was the best performance of that song I've ever heard. We've got to go on to a song written by... Right, glad you agree. This next one was written by John Leese, and this is a song that he wrote, in fact, for Other Short Stories, and that's an album for which... Martin Ford here did some arranging and conducting. This is Medicine Man. to see his hand move faster than the lightning in his eyes. Oh, what a cold surprise, the flying horses cried. Didn't anybody want to ask the caddy up to call a tune? The flying horses crooned, but did not know. The medicine man sits on the stage, he's fire and water, earth and air, while we all stare. The sofa blade burns bright and tells us to beware of mirrored passages that throw a thousand images of younger days. The wheel spins slower as the cows is back to play. Allez, un petit troisième. Galadriel. I think that Barclay James Harvest have written some exceptional songs in the past, and they will, of course, continue to do so. But they set themselves a really impossibly high standard with songs like this next one, Galadriel. Thank you. comes up with the morning sun and tells me life has just begun. What it is to be young. And in the evening light, she brings me flowers from the sun. What it is to be. See her, you will know. She's like a shadow passing softly under her snow. Under me, the evening light, she brings me flowers for the night. What it is to be. Début janvier, j'ai reçu un super colis complètement imprévu d'un abonné finlandais, finnois, Pasi Kuivu, c'est son nom, qui m'a envoyé tour à tour trois albums de trois formations dans lesquelles il a participé. J'ai mis ça sur ma platine, un ton un petit peu badin, et puis au bout de quelques minutes, j'ai littéralement craqué. C'est du rock symphonique de haute volée, je pèse mes mots. Je vais vous proposer deux albums, deux formations de ce Pasi Kuivu, qui est accompagné d'ailleurs à chaque fois par le même bassiste et d'autres musiciens. Alors le bassiste, je vais essayer de ne pas le massacrer, Petri Lindström. Voilà, et donc... Pasi Kuivu, c'est le claviériste. On démarre avec un album intitulé Same, c'est-à-dire le même nom, et le groupe, et ça c'est le plus important, Volmari, W-O-L-M-A-R-I, Volmari, tout de suite sur le 100.7. äsken tässä joku meni rikki. Juuri äsken tässä horisontti hajosi. Tietoisuuden takaa taas korville mua löi joku toinen hiipi sisään ja hiljaa huomaamatta taas. Tänään kaikessa on railo. Tänään paino voima painaa. Tänään jaksa en mä herätä. Tänään huominen on pois. Tänään huominen. Oui, je sais, c'est superbe. Eh ben, vous allez voir le groupe qui suit toujours avec les deux compères. Groupe intitulé Corvus Stone. Corvus Stone, C-O-R-V-U-S. Puis Stone, comme la pierre. C'est encore carrément mieux. Donc, on est passé de l'an 2000 à 2014 avec le deuxième album. Je n'ai pas reçu le premier de cette formation de Finlande. Thank you. fire. Dark room combat boots for hire. Instant panic halfway down. Touch the earth and wear the crown. Down and locked in space. Freeze this moment, hold my breath. Inside out and oh so well. We'll be right back. Ça joue et quelle production! Corvus Stone, enregistré et produit aux États-Unis. Corvus Stone. Encore une nouveauté, cette fois-ci d'Allemagne, venant d'Allemagne, les Blind Ego, on les connaît bien, ils sont passés plusieurs fois sur cette antenne, en tout cas au niveau des disques. Blind Ego revient avec Preaching to the Choir, Preaching to the Choir. Donc voici l'ego aveugle qui est en train de faire de prêcher au cœur, entendre le cœur musical, tout de suite sur le 100.7. We'll be right back. Encore une production qui déménage, une superbe production, donc Blind Ego. Je vous rappelle le titre de l'album, Preaching to the Choir. C'est donc allemand et c'est de 2020, hein. Ça vient tout juste de sortir des presses. On va terminer avec les nouveautés, avec un groupe que j'aime bien, un groupe norvégien qui produit. Ce groupe s'intitule, s'appelle Tusmørk. Tusmørk, ça s'écrit T-U-S-M-O, le O barré, typique des Scandinaves, qui se prononce E-R-K-E, Tusmørk. Voilà, et une compilation, je ne vous prononcerai pas parce que c'est à rallonge. On y retrouve Oslo au début, Oslo Bergerlig. Bon, alors là, ça va être un petit peu dur et donc il faudra beaucoup m'excuser. En tout cas, je vous passe le sixième morceau qui, lui, s'intitule tout simplement Acropolis. Landet ligger høyt og rett, kom til sätta och slå sig till i ro. Folk från överallt har varit här till med guder alldeles med sin tro. Gräs gror över där vinet stod, blomster spirer där det blev spilt blod. Et ben voilà, ce petit groupe norvégien. Et bien, on touche à la fin de l'émission. Une petite vieillerie qui est tombée sur mon téléscripteur, comme on disait autrefois. Un petit Moody Blues des familles de 72. Comme ça, la boucle sera bouclée avec les Barclay James Harvest. Seventh Sojourns. Sojourn, il n'y a pas de S. Donc, le septième séjour. Et puis, un clin d'œil, puis c'était leur septième album. C'est un album qui est bien tourné, bien troussé. Il y a de très beaux morceaux, peut-être un peu moins symphonique mais plus mélodique, et il se termine avec un morceau où les Moody Blues montrent qu'ils font aussi du rock'n'roll, ils sont péchus aussi, c'est pas toujours mou du genou, et ben, c'est ce que j'ai choisi au détriment d'autres morceaux plus forts. Je me suis dit, tiens, on va terminer avec I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band. Tout de suite, les Moody Blues. You're listening to Progrepa, the progressive program in Lyon. Yeah. Oui, les petits Moody Blues, péchu ce morceau, I'm Just a Singer, sur l'album 7e Séjour de 1972. Ainsi se termine l'émission Prog à part de février 2020. Je vous donne rendez-vous dans un mois, premier lundi du mois de mars, 20h30, 22h30. D'ici là, l'émission que vous avez eu l'honneur, le plaisir et l'avantage, du moins je l'espère, d'écouter, eh bien vous la retrouverez en podcast sur le site d'Acid Dragon. Vous allez sur acidragon.eu, A-C-I-D, encore, R-A-G-O-N.eu, et vous entendrez en full HQ l'émission présente. Voilà, je vous salue bien bas et je vous dis à la prochaine. C'était Prog à part, une émission proposée par Thierry Sportouche. A noter que sur les réseaux sociaux, vous pourrez retrouver une interview très sympa de Prog Sensor sur Acid Dragon notamment et votre humble serviteur. Voilà, et pour terminer avec un petit post-scriptum un petit peu tristounet, on a appris que le Prog Sud, il n'y aurait pas d'édition 2020. On espère que nos amis Eliane et Alain et toute l'équipe eh bien, vont pouvoir gagner des forces, un petit peu de pépette pour revenir encore plus fort en 2021. Bon courage les amis, on vous attend de pied ferme, on est là pour vous soutenir.